Joseph Kisabi, le frère Joseph Kisabi, c'est lui qui va commencer la prédication jusqu'à dimanche. Jusqu'à le dimanche. Et tout dans la joie de recevoir les frères et de lui saluer et on arrivait au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Ça fait très très longtemps qu'il était passé ici. Frère Jamaru, la dernière fois, Frère Jamaru, même moi je ne me rappelle pas. Mais c'était dans la petite église. J'étais encore à la chorale. Karibu frère. Approchez. Na salimu kila mmoja mjina la Yesu Kristo. Je salue chacun de vous dans le nom de Jésus-Christ. Salimia banduku badada ambao natufuata kwa njia ya internet. Également le frère et les sœurs qui nous suivent comme Tandao. Tu es en direct de la radio. Nous sommes en direct de la radio, oui. Na banduku bako natufuata badada bote na bale ba mukini ya kambo bako natufuata ku radio. Na mwe bote mimi na milamkia mjina la Yesu Kristo. Le frère et sœurs et sont ici de la cité de Kambo, je vous salue également au nom de Jésus-Christ. Banduku ba mingi barianza kumilamkia. Il y a beaucoup de frères qui vous ont salué. Kama naanza kutama njina saa inaweza kupita ya mingi. Si je me mets à citer leurs noms, ça va nous prendre beaucoup de temps. Fekumbu na ye alimilamkia. Fekumbu vous a salué. Bashemasi ba kumampala. Le diacre de Mampala. Na ba mingi sana. Et il y a beaucoup de frères. Kanisa mjina la Yesu Kristo. Et sœurs qui vous ont salué au nom de Jésus-Christ. Na mimi niko na furaha ya kuya katikati yenu. J'ai aussi une grande joie d'être au milieu de vous. Siwe tena na miaka ile inapita depuis milibiriaka hapa. Je ne sais plus combien d'années après que je prêchais ici. Me napigia Mungu asante tena. Alors que je remercie le Seigneur encore. Parce qu'aujourd'hui, il savait déjà que je vais prêcher ici. Donc, il est ma programme yo, tout ce qu'on faisait comme programme, c'est aujourd'hui que Dieu savait déjà que j'avais prêché. Soyez à l'aise. Soyez à l'aise. Soyez à l'aise. Na Mungu amibariki sana. Et que Dieu bénisse richement. Sina tuna ma prédication ya spécialité hapana. Je ne suis pas venu avec des prédications spéciales. Ni paka ile mnashikiaka. Ce sont de mêmes choses que vous écoutez. Mais Mungu anasema tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lakini Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Na mamoya na kwachana. Ndio bana tutashimama juu kusoma sauti ya Mungu na juu kuomba. Nous allons lever pour lire la parole de Dieu et pour prier. Mungu wetu na baba yetu aliye juu mbinguni. Notre Dieu et notre Père céleste. Nous vous disons merci de nous avoir donné l'opportunité de venir à Kambo. Merci de me tenir devant tes enfants pour proclamer ta parole. Aide-moi. Ma pensée na occupé Maria batoto yako mishi yue. Moi je ne connais pas les pensées qui préoccupent le cœur de tes enfants. Mais toi tu connais. Accepte de résoudre chaque problème de ton enfant. Que ce soit spirituel ou physique. Accepte de donner des solutions. La parole que nous lisons. Que ce soit une bénédiction pour na moi qui vote, et pour ceux qui vont écouter. Que tu puisses nous conduire du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons dans Romains chapitre 8, verset 28. Romains 8:28. Et nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Major Sema, bituote atumika, jabalampenda Mungu. Ceux qui sont appelés selon son destin. Yawale onyekuitwa kufuatana na kusudi lake. Mungu bariki neno lake. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mwikale tutaendelea kusoma. Nous allons continuer avec la lecture. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Wala tangulia kujua alifanya apate kufanana na picha ya mwana wake. afin que son fils fût le premier né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que Dieu bénisse sa parole. Nasoma mu 30. Et je lis dans son verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Quand j'allais au Mangaribi, niko na obiri sauti kuna sema être pardonné. Dès ce soir, je vais prêcher kusamehewa. Ni simple sana. C'est très simple. Être pardonné. Kusamehewa. L'évangile beko na tupatia. L'évangile qu'on nous donne. Muko puissance. Il y a une puissance. Aï dépendre na prédicateur apana. Cela ne dépend pas du prédicateur, non. Puissance aï na ndani ya prédicateur. La puissance ne se retrouve pas dans le prédicateur. Puissance si condamne à parole. La puissance se trouve dans la parole de Dieu. Na l'évangile mo aï ko très simple. Et c'est l'évangile ya opesi kabisa. Na mule simplicité à l'évangile. Et dans la simplicité de cet évangile, il qu'on a pita bantu wengi na bai comprendre. Cela dépasse un peu les autres parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Mais mangaribi. Mais ce soir, tasema yulu ya kusamewa. Nous allons parler pour, sur être pardonné. Na che banzamani. Et nous les anciens. Na ule ariamini hapa sasa. C'est lui qui a cru récemment. Mkutoka ndani ya salle. En quittant de cette salle. Il faut ayue sema ni mwenye kusamewa. Il doit savoir qu'il est pardonné. Na kama ni mwenye kusamewa. Et si il est pardonné. Mwenye kuhesabiwa haki. Justifié. Gloire ya Mungu iko yule yake. Tukufu ya Mungu c'est sur lui. Soma mbele mu Roma 3. Waroma 3. Ya ile mimi nasema Roma chapitre 3. Dans Romains 3. Quand j'appelle verset 21. On commence à partir du verset 21. Mais maintenant, sans la loi, ça, c'est est manifestée la justice de Dieu, ouais, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Oui, il est à chéri à Noanabi. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Et il n'y a point de distinction. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Namuna ya simple d'une manière épaisse. Kama mtu ana na zambi, lorsque un homme n'a pas de péché, eko ku gloire ya Mungu. Cela veut dire il est du côté de la gloire de Dieu. Mais kama mtu eko na zambi, lorsque quelqu'un a le péché, eko privé na gloire ya Mungu. Il est privé de la gloire de Dieu. C'est quoi? Wakati tuko na kuya hapa, comment lorsque nous venons ici, tuna na besoin ya kuya bantu bakabaila. Nous n'avons pas besoin d'être des gens vraiment très spéciaux. Tuna besoin ya kuya na ule wa kabaila. Nous avons besoin d'avoir celui qui est très spécial. Voilà. Njo ile tunapasha kwa na besoin. C'est ce que nous devons avoir besoin. L'évangile ni puissance. Cet évangile, c'est une puissance. Romains 1. Wa Roma sura kwanza. Verset yake ya 16. Dans son verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. Si on a haïté na injili, c'est une puissance de Dieu ni uwezo ya Mungu, pour le salut de quiconque croit. Je a ukovu ya ule wote anaamini. Kama unaamini, lorsque vous croyez, l'évangile unaamini, l'évangile que vous croyez, une puissance ya Mungu. C'est une puissance de Dieu. C'est-à-dire, usema, tu ne peux pas voir l'évangile. Mais tu marches étant épeureux. Tu n'as rien à craindre. Kama unaisha kuamini. Lorsque vous croyez à l'évangile. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Aux juifs, dix juifs premièrement. Kwa Yuda kwanza kwanza. Puis du grec. Na kisha kwa Yunani. Parce que en lui est révélée la justice de Dieu. L'évangile, l'évangile ici, à celui qui croit, ndani ya imani ya ile évangile, dans la foi, dans l'évangile, munaonekanaka waki ya Mungu. Il y a la justice de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes. Je vais continuer la lecture. Et révéler la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Tu ne peux pas croire la parole de Dieu. Croyez sincèrement, correctement. Maintenant, on a et tu commences encore à voler. Non, là tu as menti. Tu ne peux pas croire que tena et tu es encore méchant au même moment. Ce n'est pas conforme. Kama unaamini, lorsque vous croyez, uwaki ya Mungu inapasha kuonekana ndani ya maisha. La justice de Dieu doit se manifester dans ta vie. Évangélico simple, c'est l'évangile qui est très simple. 1 Corinthiens chapitre 1 verset yake ya 18. En Corinthiens 5 18. 1 Corinthiens chapitre 1er. En Corinthiens 5 mstari sura 5. C'est ma vie. Car la prédication de la croix. Kwani mahubiri ya msalaba. C'est une folie pour ceux qui périssent. Ni bazimu kwa wale wapotea. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Normalement, comme j'ai commencé à prêcher, tel que je viens de commencer, kama uko na magonjwa, si tu es malade, bila kukuimpose mikono, sans vous imposer la main, tel que je suis en train de prêcher, utatoka na malari na ishi. Tu vas sortir guéri. Évangile, l'évangile nous aise. Tu vois, nous avons besoin de fabriquer ma prédication. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de fabriquer nos propres prédications. Nous prêchons la volonté de Dieu. Les gens pensent que prêcher, c'est vraiment une bonne chose. Prêcher, c'est vraiment du travail. Je sais que niko na ubiri en ligne. Mais d'ailleurs, je suis en train de prêcher comme tandao. Ko banduko anaenda quelque part mon voyage missionnaire. Il y a des frères, il peut aller quelque part, mukubiri ya bali. En fika mu assemblée moi bana mukataria kubiri. Arrivé dans une assemblée, on le refuse de prêcher. Anaji plaindre ça. Il va beaucoup se plaindre. Bana mukataria je. Pourquoi on peut me refuser? Nini kumbe? Qu'est-ce qui se passe? Esprit yako haina bien. Ton esprit n'est pas correct. Voyage, lorsque vous êtes en voyage, monsieur, bah Mayer, kubiri, et que tu arrives dans une assemblée, on te fait de prêcher, ni mzuri, c'est reposant. Ni kuna pumuzi, daeni mapumziko. Du kubiri, ni parce que prêcher, c'est du travail. Chiki avait dit, on a sem. Écoutez ce qu'il avait dit. 1 Corinthiens, je crois, 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Premier verset. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas par une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous une autre chose que Jésus-Christ. Sababu shuko na wazo wengine katikati yenu kama isipokuwa Yesu Kristo. Eh, Jésus-Christ crucifié. Na Yesu Kristo mwenye kusulubishwa. Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. Mimi mwenyewe nilikuwa kwenu muali ya udhaifu na kutetemeka. Kuhubiri habari zake. On ne s'habitue pas à prêcher. Ça fait presque 41 ans niko na hubiri. Kuna kwa miaka kadiri makumi ili na moja je suis en train de prêcher. Mais si je vais yaki monsieur. Mais moi je ne m'habitue pas à la chair. Kana panda monsieur. Quand je monte du haut de la chair, j'ai toujours eu peur. Mais miaka 40 ili miaka 40. Mais 40 ans peu, malgré bwingi ya miaka. Malgré le nombre d'années. Aikufwaye uzobeleane na Mungu. Et cela ne fait pas de toi que tu puisses t'habituer. Ufwaye kile unataka. Pour faire ce que tu veux. Malgré bwingi ya miaka. Malgré le nombre d'années. Kama unaanza kupanda mshere. Quand tu montes du haut de la chair. Unashikia boka. Tu dois avoir peur. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Na maneno yangu wala mahubiri yangu haiko tu yule ya mahutuba. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Lakini yule akonekanisha ho na uwezo. Afin que votre foi fût fondée. Kusudi imani yenu ipate kutua misingi. Non, si la sagesse des hommes. Hapana pa hekima watu. Mais si la puissance de Dieu. Lakini iweke misingi yule uwezo wa Mungu. Être pardonné. Samehewa. Ni usemi moya, ni mo moya ya yulu sana. C'est un mot le plus élevé. Kusamehewa. Être pardonné. La personne qu'on a pardonné, lorsqu'il était coupable, s'il était coupable, culpabilité, on a ôté sa culpabilité, mambo yake yote kwa kosefu yake. C'est ça, être pardonné. Na frère Branham a donné l'exemple, moi, tunaisema hata kila wakati. Et frère Branham donne l'exemple que nous avons toujours l'habitude de dire. Leo mina tapenda tu ni isome atanta anza kuluka ni isome. Même en sautant, mais j'aimerais lire ça. Kusamehewa. Être pardonné. Kama ulikuwa coupable. Lorsque tu étais coupable. Culpabilité yako inaisha. David dit mambo yako banetosha inamalizika. Unakuwa huru. Tu es devenu libre. Kama ulikuwa mu prison. Si tu étais en prison, mufungwa. Banakuwa banafungula prison. On viendra ouvrir. Banaita njina yako. On appelle ton. Basema mambo yako inaisha. On t'a dit ton problème tu as quitté. Unatoka. Et tu es sorti. C'est qu'on akuwa libre. Elle dit on akuwa huru. Hapana tukuwa basema je suis libre, je suis libre. Pas venir à l'église pour dire ni kuhuru ni kuhuru. Les gens qui sont libres sont les gens pardonnés. Bah, chaque saméwa. Et là, frère Branham a été exemple. Yakusema. Frère Branham donne l'exemple en disant. Sema, un pardon me rappelle une histoire que j'ai lu. Saméwa, kuna kumbusha dix mois ni som. Que j'ai lu une fois. Ni som mama chikumoi. Je crois que c'était pendant la guerre de la révolution. Nazania, ni mule vita ya révolution. Il y avait un homme, un soldat, askari moi, un fantastin, fantastin, qui avait fait quelque chose, qui avait fait quelque chose. Alfanya, okitikimoya. Et le tribunal l'avait déclaré coupable. Na kubaraza, barisemaka, ni mufungwa. Et il était condamné à être passé par l'arme. Je crois qu'il avait déserté sa poste. Son poste de devoir. Pendant la bataille. Et il allait passer devant un peloton d'exécution. Soldat, par poste ya kaji. Un soldat qui était sur son poste de devoir. Akakimbia. Il avait déserté. Na bakamubamba. Et lorsqu'on lui a arrêté. Bakasema il fallait bamuwe. On a dit il doit être fusillé, condamné à mort. Condamné à mort. Tu l'es pas donné à ton alapaka na barafiki. Comme sur la terre, nous avons toujours des amis. Alikuwa na rafiki yake. Il avait aussi son ami. Ule alifahamiana na président. Il y avait des relations avec le président d'Amérique. Abraham Lincoln. Et à ce temps-là, c'était Abraham Lincoln qui était le bureau. Et son ami a couru vite au bureau. A le président qu'on a tout comme urgence à son arrivée, le président quittait en urgence dans son bureau. Ah, c'est quoi? Amuza ninini. Dit j'ai un ami. A dit nami no afyangu. Il doit être fusillé quoi demain. Par la page on pique ma sage kesho. Mais je viens demander une mesure de grâce. Na okumba kumfasi onema. président Natosha a bout de papier. Et le président a fait sortir un petit bout de papier. Ka papier tout ka hivi anaandika hapo. Un petit bout de papier, il a écrit. Jina ya ule bwana. Le nom du monsieur. Anasema gracieux. Il a dit mina huyu mi raisi mina mfanya huyu neema. Ana signé Abraham Lincoln. La signé à la fin Abraham Lincoln. Frère. Duk. Ule bwana anakimbia mbio. Et ce dernier a couru. Anafika kule ku prison. Arrivé aux arrêts. Ana présenté ta note. Il a présenté ça. Bale bana yuaka signature ya président. Les gens qui reconnaissent. Bana angalia bana sema ndio paka ye. Ils ont dit c'est mal lui. Anaenda kumtandre rafiki yake tu atoke. Il est allé tendre ça à son frère. Rafiki yake anasema mon cher. Il a dit nduku. Niko wakufa kesho. Je mérite, je vais mourir demain. Mais on a nileté à ka papier ka hivi. Toi tu me donnes un bout de papier. Na wewe unanichekelea. Et toi aussi tu es venu te moquer de moi. Président anaandika. Le président, il écrit la République telle. Il commence par la République. Ministère de présidence de la République. Mais bien, tout ça, c'est pas. Il n'y a même pas les sous. Mais njona naona nifanishia hivi. Et toi aussi, tu viens de anasema ni abi ya kweli ni grâce. Je te certifie anakufanishia neema watakwacha. Unapata neema toka. Tu as trouvé grâce, tu dois quitter. Ule bwana anakatal. Cet homme, il a refusé. Kesho yake. Et le lendemain. Anapita kufusiade banamuua. Il est passé, il a été fusillé par un petit massage. Prendre président. Le président a appris que cet homme. Mais comment Arikufwa Dje? Comment est-ce qu'il est décédé? Njo a parti à parler banasema. C'est à partir de là. Grâce. Qu'il a écrit Neema. Ni Neema kwa ule anaitika kuya Neema. Elle est grâce à celui qui accepte comme grâce. Alléluia. C'est pourquoi pardon. Le pardon aussi. Ni mise en libération. Voilà. Quand on te pardonne. Lorsque on te pardonne. On a kuya biakweli uru. Certainement, tu es pardonné, tu es libre. Condamnation, il est kuingisha mu prison. La condamnation qui vous a introduit aux arrêts. On a ôté ça. On a kuya libre. Et tu es devenu uru. Et c'est ce qu'on nous écrit dans Romains 8. Tu ne peux pas être dans l'église des années après des années. Mais tu te condamnes chaque jour. Tu n'as pas bien cru. Pendant que je suis en train de prêcher, et là où vous êtes assis, nous n'avons aucune condamnation. Jésus. Jésus. Alibeba hukumu yetu yote. Il a pris notre condamnation. Romains chapitre 8. Waroma munani. Ya donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Musari ya kwanza. Nikusema bali be kundani Yesu Kristo hakuna tena hukumu hata moja. En effet la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Kwa kuwa sheria ya roho ya uzima Yesu Kristo inyeka uhuru ku sheria ya lufu. Car chose impossible à la loi. Kwani kitu kinashindikana ku sheria. Parce que la chair la rendait sans force. Sababu mwili ilifanya inakuwa bila nguvu. Mais Dieu a condamné le péché dans la chair. Lakini Mungu alihukumu dhambi mu mwili. Anamfuaya à cause du péché. Kwa ajili ya dhambi alituma. Son propre fils dans une chair semblable au du péché. Mwana wake mu mwili afanana na dhambi. Alléluia. Amen. Dieu a condamné le péché dans la chair de Jésus-Christ. Le péché a un pouvoir. Et le péché n'a plus le pouvoir. Le péché a une autorité. Le péché a une autorité. Jésus a condamné. Jésus l'a condamné. Nous retournons dans Romains 8, là où nous avons dit. Verset 30. Dans son verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Justification. Frère Branham prend ça dans les exemples terre à terre et à Chinichin. Sema muntu mwaya kama anaangusha kilauri yake mubuchafu. Il dit lorsque vous avez fait tomber votre verre dans la poubelle. Anape ashiwe tena kama verre yake nakalaka wapi? Et il ne sait même pas que où ça se trouve le verre. Mais kama par occasion anaipata mule mubuchafu. Wabati mzuri si lale au poubelle. Anailokota. Il ramasse ça. Na buchafu paka vile. Avec des salités. Mais le fait ya kuilokota. Le fait seulement de ramasser. Anasema c'est la justification. Il est joko sabio haki. Mais a utilisé yo paka vile. Mais il va pas utiliser ça comme ça étant sale. Il faut aller s'empêcher. Il doit laver ça. Donc mimi nasema hivi. Moi j'ai dit ceci. Leo hapa unaikala. Aujourd'hui tel que vous êtes assis là-bas. Ata ungaliki na ka faiblesse. Même si tu as encore des petites faiblesses. Aina mbele mambo. Ce n'est pas un problème. Mambo. Le problème. Ni Yesu alinilokota. Jésus-Christ m'a déjà ramassé. Vile acha kunilokota. Il m'a déjà ramassé. Une faiblesse niko nayo. Et le faiblesse que j'ai. Ataisha yo. Lui, il va terminer ça. Alléluia. Amen. Donc l'évangile hakuna kuongo pa kintu. Dans l'évangile nous n'avons pas peur. Ataisha yo. Il va terminer ses faiblesses. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne donna-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alléluia. Kisha kufua kwa Yesu kumusalaba. Après la mort de Jésus-Christ à la croix. Nashe tunaamini. Et nous croyons. Tunakuya natse. Nous avons maintenant l'accès. Ya kupata bintu biote kwa Mungu. D'avoir toutes choses auprès de Dieu. Puisque kile kilikuwa kinatuempêche. Ce qui nous empêchait. Ni zambi. C'était le péché. Mais vu les zambi, Yesu anaibeba. Comme Jésus a ôté les péchés. Na tunakuya libre. Et nous sommes devenus ouru. Nous avons encore la liberté et l'accessibilité d'avoir tout à Dieu. Il n'y a rien à craindre encore. C'est pourquoi très bien. Je commande à suivre moi très bien. Très souvent, nous vous prêche avec des condamnations. Il y a des frères qui ont fait des années dans le message. Ils sont toujours les ivrognes. Et même le pasteur sont au courant que celui-là, il prend la bière. Il y a d'autres frères qui commettent encore l'adultère. Et les autres sont des escrocs. Il y a des problèmes. Les autres, il y a des mambo. Et le berger, il connaît ça. Mais lorsque nous on prêche, nous condamnons vous les adultères, vous les voleurs. Ces gens-là, peu importe la prédication, ils ne vont pas changer. Vous n'avez pas encore compris. Vous pourquoi? Allez comprendre. Dieu a dit. Ah oui, je tu ne peux pas changer dans l'église. Kama mwanzo yako ilikuwa mubaya. Si le début était faux. Dieu a changé. Pour changer. Kuko pomo ya yakutambukia. Il a le kimwa pour traverser. Il y a un pont que vous devez traverser. Pour qu'il a le kimwa ya pas tambuka. Pour entrer ici. Dieu a kwe kuingia umukanisa. Et ce pont là. Na ile kilalo. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Bwana wetu Yesu Christ. Kama utambukia pa ile pont. Si tu n'as pas traversé ce pont là. Utakawia mkanisa. Tu vas faire des années dans l'église. Changement itakuyaka. Il y aura pas de changement. Dieu a nini? Pourquoi? Justice ya Mungu. Parce que la justice de Dieu. Iko paka en Jésus-Christ. Ni paka ndani ya Yesu Kristo. En dehors ya Jésus. Ndani ya Yesu Kristo. Hautapataka justice. Il n'y aura jamais la justice. Hautakuyaka juste. Tu ne seras jamais justifié. Quand vous voyez beaucoup de gens, il peut être dans l'église, il a déjà fait des dons. C'est un homme tellement correct, apparemment. En les voyant comme ça, dans ma cage, on a tout très bien. Il travaille très bien. Mais à l'intérieur de lui, c'est un païen. Et ça, c'est plus fort. Naïn Yangouf Kabis. Comment découvrez-vous que c'est un mambo? Lorsqu'il commet la parole, vous lui donnez la parole. Anakatal. Ah, il va refuser. Je vais vous lire d'abord. Donc, njia tu moyen ya kuingia hapa. L'unique voie par laquelle entrer ici. Itakusaidia kuchanger. Ça va vous aider à changer. Ni kuamini Yesu. C'est de croire en Jésus. Na roho yako yote. De tout ton cœur. Na kuichika. Et accepter. Usame wako wa nzambi. Le pardon du péché. Mais bule. Mais sans cela, c'est rien. Ni nasoma omomo la manière d'un vrai prophète. Ali ya nabi wa kweli. Je répète. Kama unakuya hapa. Lorsque vous venez ici. Na motif ya kusema. Avec le motif. Ba mutabernacle banachungaka ba bibi yabo sana. Que les gens de tabernacle gardent vraiment leurs femmes. Aba kunwa kempombe. Et ils ne prennent pas l'alcool. Aba futake ntumbako. Ne fument pas. Aba enda kufuata ba bibi wengine. Ne courtise pas d'autres femmes. Kama napata huko ole bwana. Si j'ai trouvé un mari. Na mimi nitaikala hako bien. Et moi aussi je serai heureuse. Auta changeaka. Tu ne vas jamais changer. Tu es dans le mariage avec des enfants. Tu ne changeras jamais. Parce que l'objectif pour lequel tu es venu ici, tu n'as pas traversé le pont correct. Frère, Duk, vous êtes entré ici. Et ces gens-là, ils sont bénis. Ils gagnent là. Que je puisse fraterniser avec eux pour être bien. Tu vas être avec nous des années après des années. Mais tu ne changeras jamais. Pour changer, il faut traverser par Jésus. D'une manière, autrement dit, que Jésus puisse te faire traverser. Vous voyez, nous avons des problèmes avec nos enfants. Nombreux de nos enfants sont devenus des jouets. Les autres, ce sont des karatékas. Il y a les autres qui jouent même au PMI. Mais Banibaza, le message. Ils sont nés dans le message. Consacré mon message. Banibatolia, Mujumbe. Comment à mon école de dimanche. Grandir dans l'école de dimanche. Mais Banafika Mukuku, Banatombo. À l'âge adulte, ils sont devenus rebelles. Ils n'ont pas traversé par Jésus. Ils sont venus comme ça à l'église. Comment les reconnaître? Et ce soir, comment est-ce que tu vas reconnaître? Je lis. La manière d'un vrai prophète. Ali Yanabi Wakwe. Page Yake, il y a 26. Paragraphe 114. Donc, attends, on me condamne. Même si vous condamnez, toi, adultère. Ça ne va pas lui changer. C'est comme un docteur, comme un nganga. C'est comme un médecin ou un personnel soignant. On a engagé tout l'hôpital pas qu'il vient. Vous entrez à l'hôpital comme ça. On a couangari à tout fièvre. La fièvre. Mikulu ya kuvimba. Avec les jambes. On a préparé déjà madawa. Il prépare déjà les médicaments. On a kutuanga. Il commence déjà à t'injecter. Atakuwa. Il va te tuer. Un bon médecin. Nganga mzuri. Atakuweka pale. Il va t'installer. Anafanya examen. Et il fait les examens. Cause ya magonjwa ni nini? Et la cause de tous ces signes c'est quoi? Anapata dawa. Anapata plutôt cause. Il va trouver. Anakupatia dawa en rapport na maexamen. C'est alors qu'il va te donner le médicament en rapport avec les résultats. Na bantu ba mingi beko mkanisa ba bongo ba sharati ba mwiji. Et il y a beaucoup de gens dans l'église, les menteurs, les adultes. Na boni kwa fanya examen. Et aussi on les a fait les examens. Apa tuko na bini examen. C'est sont des examens. Pourquoi eko vile? Pourquoi il est comme ça? Tu es eko vile? Il est comme ça. Tu as chikutambukie pa musalaba. Parce qu'il n'est pas passé par la croix. Kama natambukie pa musalaba. Tu es passé par la croix. Unazalikiwa mara ya pili. Tu es né de nouveau. Na mara ya pili. C'est lui qui est né de nouveau. Mungu ma bonne œuvre. Dieu lui garde pour lui matendo nzuri. Nous sommes nés de nouveau. Pas pour les mauvaises œuvres. Mais pour les bonnes œuvres. Mais si toi tu n'es pas encore né de nouveau. Mais tu te retrouves dans l'église. Pour mettre ta vie, quoi que tu m'aies chacun Moussawa. C'est avec beaucoup de peine. Nous, on n'a pas de peine. Lorsque j'ai fait quelque chose, imaginant Joseph, me dit, mon frère, là, ce n'est pas comme ça. La parole de Dieu nous dit ça. Ce n'est pas pénible pour moi. Je ne souffre bien. Pas. Je suis d'ailleurs content. Et je vais accepter ce que mon frère a dit. Maintenant, toi, tu souffres. Tu ne veux pas mettre ta vie en ordre. La faute ne t'appartient pas. C'est de l'intérieur. C'est là où il y a la maladie. Pour maintenant faire disparaître la maladie, il te faut croire à l'œuvre du calvaire. Là où tu as été pardonné. C'est ma paragraphe 114. Peu importe combien vous essayez de vivre dans la sainteté, on n'essaie pas de vivre dans la sainteté. Voilà, on a quelque chose à bien. On n'essaie pas de vivre dans la sainteté. Vivre la sainteté, c'est notre vie. Ne buvez pas. Nous, on ne s'enivre pas. Et nous n'avons pas de soucis pour ça. Nous sommes à l'aise. Comme on ne prend pas l'alcool, nous sommes bien. Maintenant, vous nous amenez des problèmes. La parole que je suis en train de prêcher. La vie des Anglais, la vie des Hollandais, la vie des Kinois, la vie des Kabunda, ça doit être d'une seule façon. Nous sommes les Européens, nous tous, et les Européens, Ils sont en Botswana. Ceux qui sont en Australie. Nous tous. Toute notre vie s'est condensée dans la Bible. Elle ne doit pas être différente. Et tu ne peux pas te vanter devant Chrétien ou Kinshasa. Je suis un chrétien de Kinshasa. Tu ne peux pas te vanter devant Chrétien ou Kinshasa. Et les chrétiens de Kinshasa. Chrétien ou Kambove. Et les chrétiens de Kambove. Bible. Tous, ils ont leur référence, c'est la Bible. Alléluia. Peu importe combien vous essayez de vivre dans la sainteté, cela n'a rien à voir. Il y a une mambo. Aussi longtemps que vous régnez la parole de Dieu, wakati yote kuna kana sauti ya Mungu, et que vous ne vous mettez pas en ordre avec elle, na upende kutengeneza maisha ya kufuatana na neno. Alléluia. Vous êtes un pécheur, uko mtenda zambi, et un incrédule. Na muto kuamini. Bien. Bonne sœur. Mais lorsque les anciens apparaissent comme Dieu ça, vous conseille pas neno ya Mungu, pour te recadrer sur la parole de Dieu, tu refuses. Frère, tu refuses. Malgré miaka unafanya, malgré le nombre d'années que tu as déjà fait, hauna croyant, hauna mwaminifu, uko incrédule, tu es seulement mutokuamini. Nabeko mingi sana. Et ils sont là très nombreux. Na parmi ba prédicateurs. Et même katikati ya baubiri. Beko hapo aba ba incrédule. Ils sont là ba kutokuamini. Mais on a prêché la Bible. Et ils sont en train de prêcher avec la Bible. Mais comment on a mconseillé pas kintu kibaya? Mais quand tu lui fais des remarques sur une mauvaise chose qu'il a fait, il ne va pas accepter. C'est comme on a divisé Kanisa. Quelqu'un qui a divisé l'église. C'est un incrédule. Mais là où il est parti, il s'est même aussi à prêcher. Non. Il dit, ce que tu prêches avec ce que nous prêchons, c'est correct. Tu ne peux pas quitter. Nous sommes dans une même foi. Offrez-moi du coup, moi je quitte. J'ai des motifs personnels. Ici, nous n'avons pas de motifs personnels. Ici, nous avons le motif de Christ. Nos frères, nous avons une vision. Beaucoup, j'ai ma propre vision. Ah, pas, tout une vision. Ici, nous n'avons pas nos propres visions. Tout une vision, il y a Christ. Ici, nous avons la vision de Christ. Mais il refuse, n'est-ce pas, c'est un incrédule, Mutokwamini. Nous, on n'est pas dans les églises des visionnaires. Par contre, Mama Onyo. Ah bah, hein? Papa, n'a pas dans le sens. Bakukata. Fondateur wa ile kanisa. Le fondateur de cette église. Ni ule papa wa pale. C'est le papa de tel part. Njo mwenye visionnaire wa ile kanisa. C'est lui, njo mwanzisho wa ile kanisa. Wala njo mwenye kuwa na maonyo ya ile kanisa. Oh, c'est lui le visionnaire de l'église. Chez hapa. Nous ici. Visionnaire wetu, hein. Notre visionnaire. Ni Jésus-Christ. Jésus-Christ. Mais vous t'a conseillé muntu. Mais vous allez conseiller quelqu'un, ça ne tient pas. Ba soeur. Ba dada. Ba frère. Le frère. Restez derrière vos serviteurs. Ne vous fiez pas aux miracles des gens. Acceptez le pardon de vos péchés. Aujourd'hui, dans vos maisons, vous allez voir le miracle. Ce qui empêche les miracles, ni péché, ni zambi. Mais étant pardonné, mais comment on cherche sa meilleure? Nous sommes libres. Tout court. Nous avons droit de tout recevoir de la part de Dieu. Amen. C'est quoi salut, hein? Voilà, au kofu. Ni kintu kizuri sana. C'est vraiment une très bonne chose. Et c'est que la Bible dit. Salut, ni kintu kia bien ça. Okovu, c'est une bonne chose. Ushikuya hapa mu mouvement. Ne soyez pas ici mu mandamano tu. Kanisa yetu, kanisa yetu. Notre église, notre église. C'est ma kanisa yangu. Dit mon église. Et 1 Timothée chapitre 2. Timothée a quoi sur la capille? Verset yake ya 3. Ça y est. Et cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même et a rançon pour tous. Et c'est le témoignage rendu à notre temps. C'est le témoignage rendu à notre propre temps. Donc Jésus, mon tour, Jésus-Christ, l'homme, il nous a sauvés de tous nos péchés. Et pour nous sauver de nos péchés, Mungu, ule alumbaka muntu kwa mufano yake, qui a créé l'homme à son image, alishuka na ikala ndani ya Yesu Kristo. Il est descendu pour habiter corporellement en Jésus-Christ. Na pa hii dunia. Et sur cette terre, Abraham ayasemaka, Abraham n'a jamais dit, celui qui m'a vu a vu Dieu. Ma ula nyona mia na mona Mungu. Hakuna hata prophète moi qui sema vile ndani ya Biblia. Aucun prophète qui a dit ça dans la Bible. Mais muntu moya alikuwa hapa hii dunia. Mais un homme qui est venu sur cette terre. Asema moi et le père nous sommes un. Mie na baba tuko moja. Celui qui m'a vu a vu le père. Ula nyona anamona baba. Jésus alikuwa. Jésus il est venu. En tant qu'image ya Mungu. Sawa picha de Dieu. Munamuna ya kusema teketeke. D'une manière facile. Kama unapenda kuona Mungu, si tu veux voir Dieu, unamwangaliria ndani ya Yesu Kristo. Tu le regardes à travers Jésus. Anarifananisha na muntu. Il était semblable à un homme. Ju pale muntu ataona Yesu, là où l'homme verra Jésus, na ye mkuamini, et en croyant, afuanane na Yesu. Il puisse être semblable à Jésus. Tunaisha kwanza deja kufanana tatu yaenesha me tutaeneana hapa pale deja hapa ya quelque chose isha kufanana. Même si nous ne sommes pas parfaits, oh, déjà nous sommes semblables à Jésus. Attends, ne chamula cette fois qui. Même si vous m'insultez, je ne peux rien faire. Na Jésus va dimchamula cette fois qui. Jésus il a été outragé aussi, n'a rien fait. Tuko naenda déjà. Nous avançons. Weka bana kuchambula unashirika. On vous insulte, tu t'irrites, t'énerves. Il y a un problème. Kuko mambo mwa indiki. Unakosana diacre. Avec un diacre vous tirez. Unaacha kwa kanisa. Tu arrêtes de venir à l'église. Il y a un problème. Kuko mambo mwa indiki. Che ata diacre anani atunakosana naye. Même si nous brouillons un peu avec les diacres. Sinta acha kwa kanisa. Je ne peux pas arrêter de venir. Ata tu ari compliquer na pasteur. Si c'est avec le pasteur que Sinta acha kwa kanisa. Je n'arrêterai pas de venir. Aina yake. C'est l'église de Jésus Christ. Au moins, il faut coucher. Au moins, s'il me chasse. Il faut directement. Ah, il vit. Et lui ne saura pas me chasser comme ça. Nous ressemblons déjà à Jésus. Lorsque les gens m'offensent, gardez ça dans mon cœur, je ne saurai pas. Ça, c'est le diable. Jésus était l'image de Dieu. Il y a quoi, pitch amour. Et c'est pourquoi sur la terre, Dieu a chekokolewa pour que nous soyons sauvés. Biblia inasema, la Bible dit, Dieu était en Christ. Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Tout somme. Lisons. Imaokovu ya kwenda kumabirima ina yetu. Le salut d'aller prendre dans des montagnes, ça ne nous appartient. Yetu ni paka hapa. Notre salut c'est ici. Rome, 2 Corinthiens chapitre 5. Wa Korinto apili sura ya 5. Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes les offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Seigneur, au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Si les gens ils avaient des problèmes, lorsqu'ils se réconcilient, ils sont devenus des amis. Il ne faut pas nous terroriser, tout est méchant. Nous qui avons cru correctement, nous sommes devenus la postérité d'Abraham. Dieu, c'est notre ami. Et tu ne peux pas offenser ton ami. Jamais, jamais. Calme-moi. Dieu comme notre ami. On l'offense jamais. Lorsqu'il dit quelque chose, nous faisons amen. Un ami, on marche avec lui. Rafiki mana hapo uko na muwaza. Si tu n'es pas là, tu penses à lui. Unamuita. Tu lui appelles un peu. Atuna na rafiki mwingine, Yesu ni rafiki mwema. Jésus-Christ, c'est lui l'ami fidèle. Nous n'avons pas un autre comme lui. C'est lui qui n'a point connu les péchés. Il a fait devenir péché pour nous. Afin que nous devenions en lui. Justice de Dieu. C'est ça, la façon de traverser et marcher dans la justice de Dieu. Pour ce soir, Joy Mangari, Jésus a pris mes péchés. Jésus Christ a arrivé dans ma Zambie. Quand je commence à prêcher comme ça, moi je crois encore. C'est pourquoi nous avons besoin de prédicateurs qui nous embrouillent. Nous n'avons pas besoin de prédicateurs qui nous embrouillent. Obranam ni Mungu. Obranam est Dieu. Bale ni ma démon. Ce sont des démons. D'abord, ils n'ont pas d'amour envers eux-mêmes. Ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Et puis ils n'aiment pas Dieu. Nous aimons bien Dieu. Et nous prêchons correctement. Dieu, parce que quand nous prêchons, na cela doit nous mettre dans une bonne vie. Na mwebe kona shikia, qui écoutez, na mwebe mkuye bien. Que vous soyez aussi dans une bonne vie. Tusome. Lisons. Oh, Branham. Oh, Branham, ces histoires-là. Yesu ashakuya. Jésus qui s'est déjà venu. Abaripende. Ces gens ne s'aiment pas. Mais 1 Timothée chapitre 4. Timothée 1 sur la Kaine. Veille sur toi-même. Et si ton enseignement persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ce qui t'écoute. Pour nous dire bien, nous prêchons bien. Je n'ai jamais baigné, ouais. Même nous, il est trop à prêcher. Ce que nous prêchons, tout y vivre. Nous puissions les vivre. N'a pas le même qu'on a chiqué, hein. Ceux qui nous écoutent, n'a pas vivre. Les vivre aussi. Chez vous, de peine, que nous tous puissions aller dans l'enlèvement. Pas quoi dans mon bingo. Ceux qui vont aller au ciel. Il faut quoi dans la condamnation, mon roi. Tu ne dois pas avoir de condamnation au ciel pour aller au ciel. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Si tu n'as condamné, nous ne sommes pas condamnés. Poids à péché. Le poids du péché. Il y a des tout condamné. Qui nous condamne? Jésus a réduit. Jésus Christ s'est chargé. Pourquoi ça m'a venu à moi? Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Atuna na ba sauveur ba mingi. Nous n'avons pas plusieurs sauveurs. Atuna na ba mungu ba mingi. Nous n'avons pas plusieurs dieux. Nous avons l'unique Dieu. Na ule mungu moya. Et ce Dieu-là, Dieu sauveur, oui. C'est lui notre sauveur. Esaïe 43, 10. Isaïe makumi ine na tatu sura ya 10. Mungu anaonesha peuple yake. Et c'est Dieu qui parle à son peuple. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous êtes mon serviteur que j'ai choisi. Afin que vous le sachiez, que vous croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé et sauvé et prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Arrêtez d'être une église de peureux. Tel que je suis en train de prier. Je n'ai peur de rien. Même on a amené quelqu'un malade. Qu'on a déjà soulevé. Nous n'avons pas peur. Ce n'est pas moi qui guéris. Moi je prêche la guérison. Mais c'est lui qui guérit, c'est lui-même Dieu. Je prêche au Kovu. Mais c'est lui qui sauve, c'est Dieu. Délivrance. Mais c'est lui qui délivre, c'est le Dieu Tout-Puissant. Nous n'avons pas peur. Jésus a pris nos péchés. Il a beaucoup souffert avant de mourir. Oui, avant de mourir, il a beaucoup souffert. Si l'homme reçoit la révélation de la mort de Jésus, il va arrêter tout le péché. Même si tu n'es pas encore sauvé, mais tu reçois seulement la grâce de reconnaître comment Jésus a souffert à ta place. Il y a d'autres choses où tu es en train de dire. Jésus, tu as confié quoi, Juliet? Pour mourir pour nous, Jésus. Alité 60. Il a beaucoup souffert. D'abord, Balimupati, Abu Gestemane. Là, à Gestemane. Anaona révélation, il a vu par révélation la coupe. Mukikombe, Mulukuya tuberculose, Yako. Et dans la coupe, il y avait votre tuberculose, vos salives, vos crachats. Mulukuya diarrhée. Il y avait les diarrhées. Mulikuya mapse yako. Yave mapusa. Mulikuya manzambi yako yote, mchafu yote ya nzambi. Tout le péché, tout est sale. Jésus a nangaria. Et Jésus a regardé. Anakata. Il a dit non. Anasema père. Il a dit baba. Que cette coupe se voie. Iki kombe kende kumbari na mi. Toutefois. Kila mara. Non pas ma volonté. C'est pourquoi ma pensée a. Mais que ta volonté. Mais la kine ma pensée a. Volonté à mon clair à gâti et à la gâti à bien. À chaque fois, ce n'est pas toujours des bonnes choses. Non. Les biens et les mal. Bizur, nabibaya. Concours au bien de ceux qui. Binafika, quand il parle au bal, il va en peine d'amungu. 1984, si je me rappelle bien. Quand on a compris à Mouzour, 1984. J'étais à Kipushi. Naïta Mouzungu, moya, ou le coup. Ou Elijima. Elijima, on est là. J'avais appelé un blanc. Régime, ni société n'a la camoba pour le coupé. C'est une entreprise qui se trouve. Ils ont des avions. Bon, ma miotoka, c'est un lava le quoi bien. Quoi, ma ngombe à mine. Il y avait beaucoup de bœufs. Il a été le mouzou, c'est une enda moba. J'ai appelé ces blancs, je lui ai dit. Les biens, les mal. Bizour, il n'a pas baya. Aïna sema biote ni paga biote bi natufiki ata bi baya ata bi rouge. On a pas son bichika paga. Nous devons les accepter comme ça. Na fika kule tunapandisha mabintu masaposhi. Nous arrivons là-bas, nous avons chargé nos histoires. Motoka inaanza kutoka. Et à la sortie du véhicule. Mzungu anashonta paka pasaposhi. Le blanc, il a pointé sur mon sac, sur le sac. Wa ile sac hasta enda. Le propriétaire de ce sac là, il ne voyage pas. Merci animé. Je dis c'est moi. Tu te souviens avec au téléphone. Au téléphone. Na tu rappelé ou l'inita au téléphone. Je me rappelle bien, tu m'as. Ou l'isema. Tu as dit. Tout où qu'on a enda moba. Tu es allé à moba. Mais mina sema out a enda. C'est moi qui dis. Na katal. Pas j'ai refusé. Tu kisha sakosha. Allez, de frère. Ni na enda ni kuangalia ba parents. Donc j'ai parti voir mes parents. Na shukisha sac. J'ai retiré mes valises. Na rudia kipushi. Et je suis rentré à Kipushi. Il n'y avait pas beaucoup de la guerre est arrivée à Moba. Il est monayo à ma histoire Moba 1 Moba 2. Moba 1 et Moba 2. Bantu bana zambala la kule. Les gens étaient dispersés. Les biens et les mal. Bizuri na Concours au bien de ce qui. Yuna tumika ni Dieu abare na mpenda Mungu. Cheye. Nous. Atuna batoto ya Mungu. Nous sommes pas les enfants. Dieu tunaingia mwi sal. Parce que nous sommes entrés. Tuko batoto ya Mungu. Avant la fondation du monde. Bele ata dunia ikuyeko. Pendant que nous n'étions pas croyants, Dieu veillait sur nous. Ça, pendant que nous sommes déjà croyants, il ne va pas nous garder. Non. Il a regardé la coupe, il a dit. Il a vu Joseph. Il m'a vu aussi, Joseph. Il t'a vu aussi. Il t'a aimé. Dieu t'a aimé le monde. Penda dunia. Ana kupenda. T'a aimé. A sabre mina bapenda. Bafanane na miye. Sois semblable à moi. Allez, mina kuna kiko. Alors, je vais prendre la coupe. Ana kikunwa. Il a pris la coupe. Ana kuya péché. Il est devenu péché. Il est péché ya quoi? Il était péché. Il na engu kayulu ya. Est tombé sur lui. C'est alors qu'ils ont eu l'occasion de saisir Jésus. Banapika. On a flagellé. Banachambula. On a insulté. Banamtieswa. On lui a fait souffrir. Banatosha manguo. Il a été opprimé, déshabillé. Damu inatoka. Jaillissait. Mai inaanza kutoka. L'eau coulait de son corps. Selon la médecine. Fuatana kinganga. Kama mtu mai inatoka mwili. Lorsque un homme fait sortir de l'eau. Anashikiaka amu ya mai. Il a soif. Jésus anasema. Jésus a dit. J'ai soif. Mina shikia kiu. Frère. Duk. Mchungaji. Serviteur. Ushitike bantu kukuluwe. N'acceptez que vous soyez loué. Bantu akusifu. Mushika itike ba prédicateur. N'acceptez les prédicateurs. N'acceptez bantu kukutapa. Que tu sois loué par les gens. Apana, apana. Non et non. Wakukutapa. C'est lui qui doit te louer. Akuye paka mouye. Que ça soit seulement Dieu. Dada bantu wana changeaka. Ma soeur, les gens changent. Le même personne qui criait Hosanna, ce sont le même personne qui ont changé. Asulubishwe. Qu'est-ce qu'il a fait? Akuna mambo. Il n'y a rien qu'il a fait. Akufwe tu. Mais qu'il soit crucifié. Barabbas. Qu'on nous laisse Barabbas. On a pris Jésus. On lui a mis à la croix. On a pris des clous. On a frappé pour qu'il ne puisse pas tomber. On a pris ses pieds, on a cloué. J'ai soif. On a ses manières qui a qui ou. Ils ont pris des mélanges de vin, des choses amères. Mettez même dans le gobelet pour qu'on puisse lui donner. Non. On a mis ça dans le, sur l'éponge. Quelque chose, on la veste, on a mis là-bas. On a plongé là-bas. On a mis la soif qu'il avait. Il a goûté à ça. Il a senti que c'était vraiment amer. Il a fait tomber sa tête. Mais avant de faire tomber ta tête, il a crié Eloi, Eloi, Eloi, lama sabachthani. C'est-à-dire, Manaki, mon Dieu, Nguang, mon Dieu, Nguang, pourquoi m'as-tu abandonné? Juanino n'yachiria. Nabiana, c'est ma réponse. Il y a les paroles, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et le prophète dit, Jibu, quoi, il est né, non, Munguang, Munguang, quoi, nous, c'est ma iko simple, ça. Il dit, c'est très simple. Il dit, je t'abandonne, hein. Puisque tu as pris les péchés de Joseph. Ça va pour Uber, ma Zambia, Joseph. Je ne peux plus rester dans ce corps de péché. Je vais chercher Joseph. Évangile. L'évangile. Ikuta futa bantu, c'est chercher le Jésus. Bah, mini akusema. Abana na Nzambi. Yesu arrivé ba. Bile abana na Nzambi. Bana kuya na occasion. Ya Mungu ikala ndani mwabo. Que Dieu puisse habiter en eux. Ivini kona ubiri. Mungu anaweza kukubatiza na Roho Mtakatifu. Bantu wapate Roho Mtakatifu. Haina kosa ya Mungu. Ni kosa yabo. Jua baamini. Et puis il a dit, asema tu et akom. Yote inamalizika. Dites-moi ce soir ce que Jésus a échoué de faire à la croix. Rien. Akuna kitu kabisa. Hatuwezi kuwa église. Nous ne pouvons pas être une église. Il y a sans témoignage. Yaba tu as pas au shuda. Non. Apana. Alléluia. Ça inaenea. Il est temps. Tu t'as compris. Nous allons continuer demain. Être pardonné. Kusamewa. Nous allons continuer demain. Na kila mtu atoke na preuve. Et que chacun de nous puisse quitter avec la kionesho. Oui. Pourquoi na preuve? Faut avoir de preuves. Ya konesha avant de sema. De montrer aux gens. Niko pardonné. Que je suis pardonné. Moyo kusamewa. Ngai mbariki. Que Dieu bénisse.